Évariste Ndiko Banyanga. Nous sommes dimanche le 23 octobre 2016. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, déplore le fait que les militaires burundais en maintien de la paix en Somalie ne soient pas régulièrement salariés. Il indique cependant que la faute revient à l'Union africaine et l'Union européenne, vous l'entendrez dans ce journal. Le gérant de l'association des riziculteurs du village 3 de la commune Guihanga en province Bubanza a été grièvement blessé à la grenade dans la nuit hier, quand il est rentré chez lui aux environs de 20 heures. Les enquêtes sont déjà en cours selon la police et les administratifs pour tenter de mettre la main sur les auteurs du crime. Et à Moyinga, les représentants des producteurs agricoles crient à l'installation des unités de transformation de certains produits qui n'ont pas de marché à certaines périodes. François Kiman assure la mise en onde de cette édition de la mi-journée. Les détails, c'est dans quelques secondes. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Débutons ce journal par cette information qui nous parvient du journaliste qui ont été arrêtés ce dimanche matin à Mutakura. Il s'agit d'un Burundais, Gildas Yihundimhundu de BBC et d'une Américaine. Le porte-parole de la police indique qu'ils ont été appréhendés en train de prendre des photos aux fosses communes à l'insu de l'administration et ses forces de l'ordre. Pierre Ngurikiye dit qu'ils sont pour le moment en train d'être auditionnés à la zone Chibitoke pour en savoir plus parce que, ajoute-t-il, ces fosses communes constituent des preuves importante sur les barbaries commises par les insurgés. On écoute plutôt le porte-parole de la police qui vient d'être joint au téléphone par Francine Dokugai. Et il s'agit de Madame Julia Stewart, de nationalité américaine, et de Gildas Yihundimhundu de la radio BBC. C'est un Burundais. Ils ont été appréhendés ce matin à Mutakura, 9e avenue, aux fosses communes qui contiennent des corps de personnes qui ont été assassinées par les insurgés. Et ils étaient en train de prendre des photos à l'insu de l'administration et des forces de l'ordre. Et la police a été alertée et les a appréhendés. Et pour le moment, ils sont en train d'être interrogés par les membres du Conseil national de la communication et la police au niveau de la zone de Chibitoke, ici à mairie de Bujumbura, et pour qu'on puisse savoir ce que réellement ils venaient faire. Parce que vous savez que ces fosses communes constituent des preuves très importantes pour les atrocités qui ont été commises par les insurgés. Et vous savez qu'avec les insurgés, il y avait aussi une main étrangère derrière ces insurgés et il y avait aussi certains journalistes étrangers. Alors maintenant qu'ils reviennent sur ce site, on peut avoir mille doutes et c'est pourquoi on est en train d'interroger ces journalistes. Apparemment, vous les accusez de ne pas avoir averti les responsables administratifs? Oui, je vous ai dit que l'administration et la police et les forces de l'ordre n'étaient pas au courant. Et donc, c'est normal que ces dernières puissent demander à toute personne qui approche de ces sites pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce que le journaliste étranger n'avait pas d'accréditation du CNC? Si, elle avait une accréditation du Conseil national de la communication, mais l'accréditation ne lui donne pas la permission d'aller faire quoi que ce soit sur des preuves d'un dossier pénal déjà en cours devant la justice. C'était le porte-parole de la police interrogé par Francine Ndiokubgaï. Le gouvernement burundais ne doit pas accepter que ses militaires en maintien de la paix en Somalie ne soient pas payés comme convenu. Dans une interview accordée à la RFI, le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, a indiqué que c'est inadmissible que l'on accuse le gouvernement de ne pas payer ses militaires alors que la faute revient à l'Union africaine et en complicité avec l'Union européenne. Gaston Sindimo, premier vice-président de la République. C'est un geste qui est dans la continuité de la déstabilisation de la République du Burundi. Nous l'avons dit depuis longtemps, le Burundi doit payer ses propres fonctionnaires et si d'aussi quoi les militaires. Nous ne sommes pas en Somalie comme des mercenaires, nous sommes en Somalie parce que c'est un pays frère africain pour aider la République somalienne à tenir debout comme on nous a aidé dans l'OTAN. Aucun pays du monde ne peut pas accepter, qui qu'il soit, payer leurs fonctionnaires, parce que ces fonctionnaires ne seraient plus les fonctionnaires du Burundi. Donc, ça c'est inadmissible. Qu'il soit une Union africaine, qu'il soit une Européenne, c'est inadmissible. Pourquoi ne pas le faire pour les autres? On n'est pas une armée d'établissement, on est une armée de maintien de paix et dans les conditions acceptables. Vous savez, aujourd'hui, parce qu'on a des arriérés de plus de 10 mois aujourd'hui. Et tout ça, on dit que c'est le gouvernement qui ne paye pas les militaires, alors que c'est l'Union africaine en complicité avec l'Union européenne. C'est inadmissible, ça. C'était le premier vice-président de la République. Une personne a été grièvement blessée à la grenade au cours de cette nuit de samedi à dimanche. C'était au village 3 de la commune Guihanga, en province Bobanza. La victime Gamaliel Wutoyi, gérant de l'association des riziculteurs de ce village, rentrait chez lui aux environs de 20 heures. Les enquêtes ont déjà commencé. Selon les sources administratives et policières, les détails avec Spes Caritas Kabanyan. C'était à 20h passées de quelques minutes au moment où une grande explosion de grenades a retenti à la 7e avenue du village 3 de la commune Guihanga. Une explosion qui a causé une peur panique chez les habitants de la localité. Arrivés sur les lieux du drame, les élus collinaires et certains habitants de la même avenue ont trouvé quelqu'un allongé en pleine route. C'était Wutoyi Gamaliel, le gérant dans l'association des cultivateurs de riz du même village. Il a été grièvement blessé sur les jambes et on l'a vite évacué à l'hôpital. Le chef de colline nous a appris que ces malfaiteurs n'ont pas été identifiés, mais que les enquêtes sont en cours, ce que confirment également les sources policières. La victime est dans son lit à l'hôpital, raconte que les éclats de grenade l'ont hanté alors qu'il était en fuite parce qu'il avait aperçu à quelques mètres de la route des gens qui semblaient l'attendre et quelqu'un d'entre eux en chemise blanche, selon toujours la même victime, a couru derrière lui et lui a lancé la grenade. Gamaliel Wutoyi précise lui aussi qu'il n'a pas pu identifier ces malfaiteurs. Qu'il a vu de loin. C'était à 20h passé de quelques minutes. C'est Caritas Kabanyana, Ouanza, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons ce journal avec la page politique. Le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique appelle les politiciens qui sont en exil à rentrer pour continuer le dialogue extérieur au Burundi. Le ministre Pascal Ibarandagiye indique que s'ils veulent rentrer, ils peuvent débattre sur la question de leur sécurité. On l'écoute. Pour la plupart, ils logissaient à Bujumbura. Ils quittent Bujumbura pour aller dialoguer à l'extérieur. Et je crois que quelque part, il s'agit d'un non-sens. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne sont pas inquiétés ici au Burundi. On peut citer à titre d'exemple M. Léon Sengendakumana, qui est l'une des grandes figures de l'opposition. Il logissait à Bujumbura. Pour la plupart des autres qui restent à l'extérieur, qu'est-ce qui empêcherait qu'ils viennent ici? S'ils veulent poser des conditions de sécurité, comme d'autres Burundais peuvent aussi le demander, je crois qu'on peut en débattre. Mais pour nous, nous sommes d'avis qu'ils ne sont pas inquiétés du tout, surtout qu'ils ne sont même pas interpellés par la justice. Pour ceux qui sont poursuivis par la justice, ce sont ceux-là même qui ne sont même pas concernés par le dialogue. Là, nous réclamons que la justice soit faite à leur endroit. Mais pour le reste, ils peuvent bel et bien rentrer au pays comme d'autres Burundais, mais cela n'empêche pas non plus qu'on puisse débattre de la question de la sécurité. Parmi les autres questions qui sont débattues, au niveau du dialogue inter-Burundais, nous disons que aucune question n'est taboue. C'était le ministre de l'Intérieur, Pascal Ibarandagiye. Il n'y a pas aucun problème de rapatrier le dialogue extérieur au Burundi si c'est le résultat d'une entente entre toutes les parties concernées. Tel est l'avis de l'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya. Cet homme politique estime que même la médiation doit se prononcer là-dessus. On l'écoute. Il y a une partie qui a émis cette idée, mais nous devons tenir compte également de l'autre partie. Est-ce que les autres, auxquels d'ailleurs vraiment le ministre peut s'adresser, pensent de la même façon? Il faut qu'ils soient également écoutés, qu'ils s'expriment sur cette question. Et depuis plus d'une année, il y a un dialogue qui a été entamé sur l'obédience de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui a désigné un médiateur à la personne du président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, qui a désigné également un facilitateur à la personne de l'ancien président de la Tanzanie, William Benjamin Mkapa. Alors maintenant, il faudrait savoir ce que également eux et la communauté de l'Afrique de l'Est pensent de tous. C'est pourquoi, à mon avis, il faudrait que très rapidement, toutes ces parties burundaises, cette médiation, cette facilitation, se rencontrent. Et s'ils analysent à décider ensemble que les négociations ou le dialogue peuvent se dérouler au Burundi, en ayant déterminé les contours et les mécanismes à travers lesquels cela se ferait, moi je ne vois aucun inconvénient si tout cela résulte d'une consultation sincère et honnête entre toutes ces parties concernées. C'était l'ancien chef d'État Sylvestre Ntibantunganya, joint au téléphone par Joseph Nsabiabandi. Même si certains États se retirent du statut de la Cour pénale internationale, cette Cour n'est pas en voie de disparition. Tels sont les propos de Maître Jacques Vitababagé, qui précise qu'elle est soutenue par beaucoup de pays. Par ailleurs, certains pays adoptent la compétence universelle qui permet de juger les crimes commis sous n'importe quel territoire. Suivez plutôt Maître Jacques Vitababagé au micro dans l'un des idées Boukenet. L'idée de création de la Cour pénale internationale date de 1948. Mais à cause de la guerre froide de l'époque, l'idée n'a pu aboutir qu'en 1948. 98 avec le traité de Rome. Aujourd'hui, même si les pays se retirent du traité de Rome, d'abord, je dois dire que certainement au début, ça peut inquiéter, mais il y a beaucoup, beaucoup de pays qui soutiennent encore le statut de Rome. Même si certains pays se retirent, ça ne veut pas dire que les personnes qui seraient soupçonnées d'avoir commis des crimes resteront impunies. Non, certains pays ont mis en œuvre la compétence universelle. La compétence universelle permet aux tribunaux d'un pays de juger les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes, quand bien même le crime ne serait pas commis sur le territoire. Il suffit que la personne dise qu'il a été victime de tel crime. La Belgique a fait ça. Et je vous dis que même s'il y a retrait de certains pays, les citoyens de ces pays-là continuent à réclamer que les pays restent. Il n'est pas étonnant que tôt ou tard, ils retournent. Quel sera alors l'avenir du traité de Rome si les pays continuent à se retirer? Personnellement, je ne crois pas qu'il y aura. Vous voyez, il y a pas mal de pays d'abord qui n'avaient pas ratifié. Mais d'autres ont ratifié et continueront, mais certainement que, vous savez, ils se retirent en disant, on ne voit que uniquement des Africains qui sont jugés. Et moi, je dis, on verra si les États sont réellement capables de punir les personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis ces crimes. Ne vous en faites pas, la CPI ne veut pas fermer les portes. Il y a et il y en aura toujours des personnes qui vont soutenir la CPI. Le retrait ne devrait pas faire peur aux gens en disant, qu'est-ce que nous allons devenir demain? Demain, il y aura d'autres voies qui seront ouvertes pour traquer les personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des crimes. De l'avenir. 13h10 au studio de la radio Isanganiro, Cap sur Muyinga, pour parler de ces représentants des producteurs agricoles qui demandent l'installation des unités de transformation de certains produits tels la banane sans marché d'écoulement à certaines périodes. À la direction de l'agriculture et de l'élevage en province Muyinga, les cadres promettent la création d'une plateforme provinciale regroupant les représentants des producteurs et les commerçants afin d'améliorer la communication, une des voies de recherche de déboucher. Les détails avec Dieudonné Nzima. Des stands de collecte de certains produits agricoles sont visibles autour de la route nationale RN6 de Muyinga vers la Tanzanie. Des tonnes de régime de bananes et des avocats sont transportés vers le pays voisin. Pour les producteurs, certains produits, notamment la banane, une variété consommée localement uniquement pour la banane mûre, il n'y a pas de débouché au Burundi. En Tanzanie, ces bananes serviraient à la production des biscuits et les avocats donneraient de l'huile très prisée sur le marché. Les agriculteurs à Muyinga réclament la construction des unités de transformation pour absorber cette production. Jean Bosco Ndaïzé, chargé de la formation des agriculteurs à la DPAE Muyinga, reconnaît que certains producteurs manquent de débouchés suite à un déficit de communication. Il cite le cas des producteurs de semences certifiées. Dans une réunion de coordination tenue à l'endroit des intervenants dans le secteur agricole à Muyinga, j'ai dit, on a pris pour option la création d'une plateforme provinciale regroupant les représentants des agriculteurs, différents intervenants dans le secteur et les commerçants pour améliorer la communication, c'est le canal privilégié pour la recherche des marchés. Merci à Dieudonné Nzeimana, quittons Muyinga pour Gitega, où les préparatifs pour la saison culturelle A dans cette province sont en cours et vont bon train. La direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage a mis en disponibilité des agriculteurs des engrais chimiques et les semences sélectionnées en quantité suffisante. Manyang Herménégide, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Gitega, a également tranquillisé les riziculteurs que la maladie qui attaque le riz est déjà connu et que les médicaments sont disponibles. Manyang Herménégide s'est entretenu avec Médard Niongour. Nous sommes déjà en pleine saison parce que les premiers semis ont eu lieu, sauf que dans ces derniers jours, il n'y a pas de pluie. Et juste les derniers attendent que la pluie puisse encore revenir pour qu'ils puissent semer. Au niveau des préparatifs, c'est juste deux choses que nous faisons. Et nous essayons de mettre à disposition des agriculteurs les engrais chimiques au moment opportun en quantité suffisante. Et cela a été déjà fait. Et deuxième chose, c'est de chercher des semences sélectionnées à ceux qui en ont besoin. Cela est déjà fait pour dire que maintenant, nous sommes en train d'accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent, dès que la pluie tombe encore une fois, qu'ils puissent juste semer les dernières superficies qui n'ont pas encore semé. Dans les dernières années, il y a eu une maladie qui a attaqué la culture d'iris, surtout dans les marais d'ici chez vous à Gitega. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour lutter contre cette maladie afin d'obtenir une meilleure production? Le riz en province de Gitega est deux fois attaqué par certaines maladies, mais heureusement que ces maladies sont déjà connues et les médicaments sont disponibles. Et si les agriculteurs nous parlent dans un endroit où le riz est attaqué, nous approchons un département de la protection des végétaux qui est en charge des produits phytosanitaires. Nous les acheminons au niveau des agriculteurs. Comme ça, ils luttent contre ces maladies qui attaquent ces riz et qui sont même l'origine de la diminution du rendement. Également, il y a un deuxième élément qui fait que les agriculteurs n'obtiennent pas un rendement suffisant. Et ils ne pratiquent pas le système ESRI, sécurité intensive qui est la source d'augmentation du rendement. Mais pour le moment, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de sensibiliser pour qu'ils puissent adopter cette nouvelle pratique qui pourrait nous permettre d'augmenter le rendement au niveau des marais. Nous espérons que d'ici quelques années, nous pourrons quand même arriver à un rendement qui est satisfaisant au niveau de la riziculture. C'était Manyang Herménégide de DPA Gitega au micro de Médard Niongouru. Environnement à présent, certains éleveurs de Guihanga en province Ouanza demandent la libération de leurs vaches qui ont été saisies depuis jeudi dernier par les agents qui sont chargés de la protection de l'environnement. Ils disent aussi que l'amende de 100 000 francs par vache qui leur est exigée pour obtenir cette libération est exorbitante. Ces éleveurs disent qu'en cas de faute, ils paieraient 20 000 francs par vache, suivant un de ces éleveurs. Nous avons reçu cette information tardivement parce que les vaches et l'auberger ont été arrêtés dans la partie de la Russie, à Rizabo. Maintenant, nous demandons de payer une amende de 20 000 au lieu de 100 000 parce que c'est de nouveau de payer les 100 000 là. Nous n'avons pas de faute parce que les vaches n'ont pas détruit la nature seulement. Les vaches ont passé dans au parc seulement. Les agents chargés de la protection de l'environnement affirment que les 23 vaches saisies ont brouté dans l'espace protégé. Concernant cette amende de 100 000 francs par tête, ce n'est qu'une application du décret de 2011. Suivez Jean-Claude Ndaïchimiye, il est le chef du parc national de la Rusizi. En fait, le parc national de la Rusizi est régi par un décret présidentiel qui date du 14 novembre 2011. Et dans ce décret, il y a un article qui précise que aucune activité n'est permise dans les limites du parc, sauf l'écotourisme guidé et les activités scientifiques à la fois avec la conservation. Alors, l'élevage ou autre animal domestique n'a pas le droit de brouter dans le parc national. Mais aussi, il y a une loi sur les aires protégées qui stipule bien dans ces articles que si une fois une personne ou un animal domestique est attrapé en train de brouter ou de dégrader la biodiversité, tant animale que végétale, dans les limites du parc national de la Russizi, cela puni par une amende de 100 000 à 200 000 ou un emprisonnement de 3 mois à 6 mois ou l'une de ces peines. Alors, ces personnes, comme vous le savez, ils ont gardé les vaches dans les limites du parc. Je vous dirais que dans le parc national de Russizi, il n'y a vraiment aucune piste pour le passage des animaux domestiques. Depuis la route nationale numéro 5 qui part de Bujumbura vers Chibitoki jusqu'à la rive de la rivière Russizi, c'est toujours la zone mise en défense. Il n'y a aucun espace réservé pour l'élevage domestique. Ces gens-là, alors, le font juste pas par mégarde, mais avec exprès, parce qu'ils savent que c'est le seul endroit qui reste pour l'herbe. Si une fois la vache est attrapée, ils doivent être payés cette amende. Parlons sport à présent. Le championnat de volleyball en première division à mairie de Bujumbura, édition 2016-2017, arrive ce dimanche à la fin de la phase aller. Le président de l'association de volleyball indique avoir été satisfait par le déroulement du championnat, malgré quelques lacunes côté arbitrage. Jean-Marie Gahungu a de l'espoir qu'au cours de la phase retour, les choses iront bon train. On l'écoute. Je dois dire que les équipes ont répondu favorablement à notre appel. Nous avons fait une compétition au tournoi de vertu, le tournoi mémorial des feux présidents du club Muzinga et club Rukinzo. Je pense que toutes les équipes ont répondu favorablement à notre appel. Et quant à l'évaluation à mi-parcours, je dois dire que les résultats sont très satisfaisants. L'équipe Muzinga fille occupe le devant côté fille et l'équipe Rukinzo occupe le devant côté garçon. Le niveau aussi, visiblement, les niveaux ont monté, sensiblement monté. Je vois que les filles jouent très bien, les garçons jouent très bien. Je pense que dans la phase de retour, on aura fait mieux, mais les résultats sont visiblement satisfaisants. On a constaté que vous avez peu d'équipes, 5 pour les filles et 4 pour les garçons. Ce n'est pas une lacune. C'est une lacune, bien sûr, d'autant plus que le niveau monte en fonction du nombre d'équipes qui fait que le nombre de matchs augmente. Mais on a essayé de parer à son manque. On a multiplié par 2. On a fait la phase aller en double phase. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer 3 matchs côté garçon, on a joué 6. C'est presque le championnat des années passées. Et on a essayé de parer au manque des équipes. Est-ce que vous avez été satisfait par l'arbitrage? L'arbitrage, c'est un défi qu'on a monté à trouver la solution. C'est pas tellement lamentable, je pense que ils sont avertis, ils vont essayer de s'améliorer, ils vont s'associer avec les experts étrangers pour essayer de s'améliorer, soit en ligne, soit par d'autres correspondances. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens de s'améliorer. La balle se trouve dans les camps où les gens avertis, je pense qu'ils vont se mettre à l'œuvre pour améliorer les façons de prester. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Rendons-nous à l'étranger pour parler que la Cour de cassation égyptienne a confirmé samedi une peine de 20 ans de prison à l'encontre de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi. Premier verdict définitif pour l'ex-chef de l'État condamné dans plusieurs procès. La ville irakienne de Barthéla est libérée après 2 ans d'exil forcé. Les chrétiens qui sont les premiers habitants de cette ville y ont fait leur retour. Les détails avec Gildas Rubengab. En Irak, à Barthéla, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Mossoul, l'heure est à la joie. Des combattants chrétiens sont de retour chez eux après 2 ans d'exil forcé. Ils marquent cette journée par un acte symbolique. Comme on le lit sur le site de la RFI, en 2014, les chrétiens assyriens avaient fui la région de Mossoul quand le groupe État islamique s'était imposé sur ces terres. Ces hommes avaient alors formé une milice, les forces de la plaine de Ninive, qui compte quelques centaines de combattants qui se battent parfois aux côtés de Peshmerga. Oussam Salem, l'un de ces combattants, explique « Notre peuple s'est dispersé, nos enfants sont morts et nous nous sommes retrouvés sous des tentes. Alors je voudrais passer ce message à mon peuple. » Barthéla est reprise. En Égypte, la cour a également confirmé les jugements prononcés à l'encontre de 8 co-accusés dont 7 ont été condamnés à la même peine et un autre à 10 ans de prison selon un responsable judiciaire. Selon le site web de Jeune Afrique, Mohamed Morsi avait été condamné en avril 2015 pour sa responsabilité dans des affrontements meurtriers qui ont éclaté à l'extérieur du palais présidentiel durant sa seule année au pouvoir. Ces heurts avaient opposé ses partisans des manifestants de l'opposition venus dénoncer un décret présidentiel dans lequel Mohamed Morsi s'octroyait des prérogatives s'apparentant à des pleins pouvoirs en plaçant des décisions au-dessus de tout contrôle judiciaire. C'est sur cette actualité internationale que se referme cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. Bonne journée dominicale. L'on se retrouve dans l'édition de 18h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.